Doublette suivante avec une nouveauté fin. Alors ça s'écrit fin comme j'ai fin en français, F-A-I-M, hein, et il n'y aura pas, semble-t-il, de prononciation plus spécifique. Fame. On est sur du punk hardcore qui nous vient de Denver, directement depuis les États-Unis d'Amérique. Actif depuis 2016, ils sortent là leur second album studio. Un groupe forcément engagé politiquement du bon côté, avec une chanteuse bien hargneuse derrière le micro. En fait, on est vraiment sur quelque chose d'agressif, mais moins violent que par exemple ce qu'on pourrait retrouver chez Year of the Knife. Et voilà, 8 compos pour une grosse vingtaine de minutes, histoire de prendre une bonne décharge d'énergie. Et en doublette avec donc fin, on aura Ultar, autre formation Riken, sauf que l'on est sur du Black Death assez riche. Une sortie 20 Backspin Records, second album studio, voilà, qui vient de voir le jour. Alors c'est un concept, hein, parce que c'est deux albums en un qui est diffusable, l'autre qui l'est un petit peu moins juste par rapport aux durées. Voilà, on est sur du Black Death bien travaillé, avec des passages rampants, baveux, et d'autres séquences beaucoup plus frontales et soutenues. Et voilà, Ultar, ça fait très très bien le taf. Fin, on s'écoutera le morceau Missoula, extrait de l'album Your Life and Nothing Else. Ultar, ensuite, Anthronomicon, extrait de l'album Saccades. Take a second, black eye. 21h10 à la pendule de Radio Béton, on retrouve l'ami Thibaut et on ouvre son micro pour le second focus de l'émission de ce soir. Rebonsoir à toutes et à tous. Eh ben vas-y. Eh ben, direction les États-Unis, plus précisément à Los Angeles pour aller voir le groupe Zulu. Un groupe qui nous propose du hardcore teinté de power violence. C'est absolument pas délicat. À l'origine, c'est un projet solo de Anaya. Qui a après construit un line-up pour faire des lives derrière. Je pense que j'ai pas la date exacte de la formation, mais ça doit tourner autour de 2018-2019, par là. En 2019, ils sortent leur premier EP, qui s'appelle Our Day Will Come, suivi en 2020 de My People Hold On. C'est deux EP qui sont ultra, ultra vénères, c'est ultra percutant. Et bah clairement ça va pas dans le, enfin ça va dans l'expéditif, c'est 8 minutes par EP et on en prend plein les dents, y a pas le temps quoi. On prend plein les dents pendant 8 minutes. Ils sont excellents ces deux EP. Et donc là ils sortent leur tout premier album A New Tomorrow. Que dire sur le groupe ? Avant tout le groupe c'est un groupe militant pour les droits des personnes de la communauté noire et tout particulièrement de la communauté noire afro-américaine. Donc avec derrière un gros message évidemment antiraciste et également un message assez fort sur la représentativité des personnes d'origine afro-américaine dans la scène hardcore globalement. Donc voilà, l'ensemble du concept du groupe tourne autour de ça, enfin, en tout cas le message qui est véhiculé par le groupe. Globalement j'aime beaucoup leurs artworks, c'est un style graphique qui est assez original pour ce qu'on retrouve d'habitude dans le hardcore et bah, on retrouve des visuels qu'on a plutôt l'habitude d'avoir sur des groupes de jazz ou sur des groupes de blues. Et c'est, bah, je trouve que c'est hyper rafraîchissant comme approche. Je trouve que c'est bien vu, les visuels sont bien faits, ils sont super parlants d'eux-mêmes. Personnellement, avec ce nouvel album, moi je ne l'ai pas... Alors, ce n'est pas mon coup de cœur, cet album. Je vais revenir dessus, mais je voulais en parler parce que c'est un bon album globalement et qu'il y a des petites choses à dire quand même autour du groupe, autour de leur histoire. Mais personnellement, je reste accroché à leur EP parce que je trouve que l'album, en fait, vous allez l'entendre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'interludes dans l'album, beaucoup, beaucoup de coupures dans le rythme. Et je trouve que, autant sur un EP de 8 minutes, ça ne me gêne pas. Et là, je trouve qu'à l'écoute, ça peut donner un petit aspect un peu brouillon dans les coupes. Ça tranche trop tous ces interludes dans la longueur. Ça n'empêche que les passages où ça tape vraiment. C'est vraiment ultra vénère sur ces passages-là. Et tu voulais quelque chose, non ? Ah non, j'écoute très attentivement. Non. Je bois tes paroles. Et le, voilà, bon, après, on est sur du hardcore. Voilà, du hardcore et de power violence, ça peut que mal se passer. c'est parfaitement vénère. C'est des. Ben voilà, je vous dis, il y a des morceaux. Les morceaux, ils font quoi ? Ils font 2 minutes pour les plus longs. Déjà, sur les deux. Les morceaux qui font 2 minutes, c'est qu'il y a justement un interlude de 30 minutes, de 30 secondes dedans. Donc, on est sur 1 minute 30 de violence pure et dure. Ça tabasse de ouf. Et comment, c'est vraiment, enfin, tu sens que c'est taillé avec les tripes, c'est fait pour cogner, pour véhiculer le message qui est derrière. Et je pense sincèrement que ce sera que c'est un groupe qu'il va falloir aller voir sur scène. C'est prévu. Et exactement, c'est prévu. Ils seront en Europe courant de l'été. Ils ont une date au Hellfest. Alors, ils passent en juin à Paris avec Speed, groupe de Singapour. Ils sont au Hellfest et nous, on ira surtout les voir au Super Bowl of Hardcore du côté de Rennes. Dernier week-end de juin, premier week-end de juillet. Voilà. Voilà, y a moyen que sur scène, il y ait une énergie. Enfin, j'ai regardé des lives. Ça s'arrête une pas énergie beaucoup, ouais. Qui est monstrueuse et vraiment ultra, ultra vénère. Donc, voilà. Je pense que c'est un groupe. L'album est cool. On va écouter deux petits morceaux là pour illustrer le truc, mais voilà, l'album est cool, c'est ultra violent, mais je pense que ça prendra toute sa mesure sur scène pour vraiment, vraiment donner la superbe à l'album, parce que sur CD, voilà, il y a ces petits... ça fait un peu brouillon quand même. Voilà, un autre aspect du militantisme dans la scène hardcore. Je suis assez déçu qu'on ne s'écoute pas le titre « Crème de cassis ». Eh ben non, je l'ai pas choisi. J'ai vu ce titre. J'ai vu ce titre au milieu de l'album, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, donc il y a vraiment un titre au milieu de cet album de Zulu qui s'appelle Crème de Cassis. C'est intéressant. On va s'écouter une doublette, du coup, voilà, pour illustrer ce focus de Zulu. Effectivement, un groupe à suivre. Et puis, ouais, clairement, arrêtez-vous sur YouTube, notamment la chaîne 856, et matez les lives de Zulu. Enfin, ça n'arrête pas. Et voilà, la décharge brute comme on aime. Une sortie Flat Spot Records, pareil, un label à suivre de près, un peu comme Close Casket, hein, ça balance de très très très très bonnes sorties. Et l'album s'intitule A New Tomorrow, on va s'écouter les titres Life AZ, faut comprendre, voilà, la vie du début à la fin. On a le choix entre A, Chotty Chun, B, Soref, voilà, ou t'es sympa, ou bah, tu l'es moins. Et second morceau, 52 Fatal Strikes. Je crois que c'est le nombre de morts qu'il y a eu dans la communauté afro-américaine depuis une date au moment où l'album a été enregistré. Je crois que c'est une référence à ça. Voilà. T'as fait le tour ? Ouais, c'est tout bon. Eh ben c'est parti, débauche de violence, Zoulou. Yeah! Voilà, vous êtes toujours bien à l'écoute d'Elbanger. On vient de s'écouter une petite doublette Zoulou, d'où la petite interlude, voilà, comme disait Thibaut, un peu surprenante au milieu de cette débauche de violence. L'équilibre parfait entre le hardcore avec des grosses sonorités beatdown, mais vraiment le beatdown ricain le plus violent et débile qui soit. Et cette débauche de power violence presque inspirée par le HM2 D-Beat suédois. Enfin bref, ça nous permet d'attaquer l'aspect française de manière beaucoup plus souple et aérée. Avec les vétérans du Heavy Sortilège, le groupe qui sort un nouvel album, un line-up bah, du coup bien différent hein, forcément de la grande époque. On ne retrouve que Zouille derrière le micro. Et accompagné de actuel ou ex membre de Zoulefix, Manigance, Seten Joker. Voilà, ça reste un bon album, à voir dans le temps comment il vieillira. Il s'intitule Apocalypso, une sortie V-Records. Et ensuite, Gorod, le groupe de death metal, mais tellement plus que juste du death metal, hein, la formation bordelaise, qui, bon gré mal gré, nous sort leur 7e effort studio, The Orb. Gorod, je dirais presque, qui tourne carrément plus aux États-Unis qu'en France. Enfin, là, dans pas longtemps, ils vont lancer une énorme tournée nord-américaine. Rarement, je les ai vus faire ça sur le sol hexagonal. 4 ans depuis le précédent album Aesra. Voilà, on est toujours sur du Gorod death metal. Hein, voilà, le line-up est le même depuis une dizaine d'années. 8 titres, plus une reprise des Doors. Voilà, on est toujours sur quelque chose de vraiment death metal et qui va chercher dans des passages un peu plus jazzy au niveau du côté prog. Et puis, enfin voilà, ça reste toujours tech dans l'approche du death metal bien français. Crématéisme, c'est le titre qu'on va s'écouter pour Gorod et juste avant sa sortilège avec le morceau Poséidon. These On passe à la doublette suivante, Fange, Carcarias, dans l'aspect française. Fange, le groupe rennais, initialement chaotique, black hardcore, un peu sludge, un peu beaucoup violent, un peu beaucoup dérangé, qui a évolué au fil des années, pour nous proposer toujours un espèce de sludge dans des ambiances black, mais avec des éléments un peu plus indus noise, voire même un peu death metal. Alors l'ensemble se veut toujours violent et malsain. L'arrivée d'un deuxième guitariste s'est faite récemment, hein, qui est passé par Accedia Mundi, Hostile, Epectas, etc. Ça reste lourd et bien sûr très massif, très martial, la musique de Fange. Et ils sont hyper prolifiques. Hein. 2016, 17, 19, 20, 21, 23 pour les albums uniquement. Prevation, c'est le nom de ce nouvel effort studio, et toujours dispo via SrussRunner Records, et en doublette, on a les vétérans du Death Prog français, Carcarias. Ils sortent là leur sixième effort studio. On est un peu comme Gorod, hein, sur un Death Prog typiquement français. Voilà, sauf que Carcarias a des éléments un peu plus mélos, ce qui rend la musique un peu plus accessible aux oreilles pas trop délicates. Afterworld, c'est le nom de ce nouvel effort studio de Carcarias. On s'écoutera le titre The Hive, et juste avant ça, À la racine, extrait du nouvel effort de Fange. C'est parti. Yeah.

21h40 à la podule de Radio Béton. Et non, je n'annonce pas le troisième et dernier focus de ce soir. Juste le retour au micro de l'ami Thibaut pour parler des annonces de concerts dans les semaines et même les mois à venir. En Touraine, alors bien sûr des concerts ou bien via des orgas ou bien juste des programmations qui nous causent parce qu'il se passe plein de trucs, mais enfin voilà, c'est, enfin nous on passe complètement à côté ou au travers, donc c'est voilà, arbitrairement nous choisissons de faire la promotion de certaines dalles plus que d'autres. Exactement. Oh, on est vilain. Ouais. Bah, donc non, sinon on va y passer une demi-heure. Voilà. Première date à partager, donc une date 14 Sasso, ce sera au Canadian. Ultra Sylvam, je vais y arriver. Sylvam. Oui. Ultra Sylvam et Glenn Schmasher. C'est. Je reprends toutes les infos parce que là, j'avais pas tout noté. Et du black metal. C'est une soirée black metal, tout à fait. Ultra donc, Sylvam qui nous vient de Suède et Glenn Schmasher qui nous vient d'Allemagne. Ouais, tout à fait. Donc, Exactement. C'est Glenn Schumacher. Et c'est 5 boules au Canada dès 19h30. J'ai plus c'est la date. C'est nickel. 28 c'est quand mars. 28 mars. Dans 9 jours. Voilà. Nous avons ensuite. Attends, tu vas trop vite pour moi. 1er avril, ce sera au Bateau Ivre. On a Aro Aura qui jouera avec Final Shutdown et Yerao. C'est une soirée riposte, si je dis pas de bêtises. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est au Bateau Ivre, ce sera prix libre et c'est une soirée soutien, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu dis pas trop de bêtises ouais. Sur ce coup-là. Ouais, pour une fois. On est pas trop mal. Voilà. Ensuite, ensuite, on a une date forte en intelligence et en diversité. Oui. La date, je te laisse les présenter peut-être. La seconde date de l'asso Something for the Youth, d'ailleurs vous pouvez retrouver hein, sur les réseaux, le blog et les plateformes de stream bien connues par chez nous. La petite interview de Jacob, du coup membre de Something for the Youth, récente asso Tourangelle spé Hardcore +++, qui nous offre l'immense plaisir de nous programmer au club du Temps Machine la venue de Take It in Blood du hardcore inspiré Oi parisien. Nous avons ensuite Gates to Hell, là on est sur la nouvelle scène Death Hardcore venue des US. Nous avons ensuite Cruelty, groupe Death Hardcore, non pas des US mais du Japon, et là putain ça va racler les bords. Et pour clôturer la soirée, ou du moins ce qu'il en restera, Worst Opt, le groupe voilà, de Hardcore +++ qui nous vient de région parisienne, entre deux tournées en compagnie de Sworn Enemy ou Kingdom. Voilà, groupe très, très actif, très prolifique et qu'on aime particulièrement. Et nous avons ensuite fin avril, et ça va être une date vraiment chouette aussi. Ouais, je te coupe juste. Oui, c'est vrai, j'ai pas tout dit. Ouais, Temps Machine, 19h30 ouverture des portes, 20h30 pour le début des concerts. Premier 100. C'est ça, ce sera 8€ en tarif réduit, 10€ en prévente et 12€ sur place. Voilà, c'est voilà, pas voilà. Cher et ça va être chic. Venez, ça va être chouette. On va partager plein de choses. Ouais. Des genoux. Ouais. Et retour au Canadian, pour une date encore une fois Catharsis. L'excellent groupe de death metal français Witches, qui viendra accompagné de Rotten. Voilà, des néo-vétérans, hein, parce que c'est des icos issus de The Bottle Doom Lazy Band, issus de Defenestration, issus de Pulmonary Fibrosis, qui sont réunis pour faire du death old school bien crasseux, bien baveux, et c'est bien fun. Ouais, ouais, et puis bah, Witches, ça va être la dose. Aussi, voilà. Voilà. Donc là, du bon death metal français bien old school. Voilà. 5 balles, 19h30, le 28, non, le combien ? C'est le 15 avril. 15 avril au Cana. Et on peut parler de la date qui a lieu tout début juin, le mercredi 7 juin, si je ne m'abuse, en plein pendant le festival au quart de tour, une soirée carte blanche riposte asso. Qui... Le 7. C'est quoi ? Mercredi 7 juin. J'ai dit ? 6. Oui. Ah non, à côté. C'est pareil. Du coup, Riposte qui programme sur les terres de Hocard de Tour, Beyond the Sticks, Verbal Razor, mais surtout, parce que bon, ça c'est des groupes qu'on a l'habitude de voir, mais surtout Slope, très très bon groupe de hardcore +++ qui nous vient d'Allemagne. Oui. Non, d'accord, non, oui. Je pensais que tu allais dire un truc. Non, non, c'est bon. Voilà, c'est funky, c'est fuzzy et surtout c'est hardcore bien Koulos Slope. On aura l'occasion d'en reparler, puis probablement de s'en réécouter un petit peu. Et j'ai plus les tarifs, mais voilà, mercredi 7 juin sur la plaine d'Ocar. Voilà. Et puis, ouais. Et puis voilà. Je crois qu'on a tout dit. Et ben, vos aigus, maintenant, dans l'aspect française toujours. Une sortie française, donc Pagan Black, de Bretagne, de Nantes précisément. Retourne à la Terre, c'est le nom de ce second effort studio. C'est la consanguinité de la scène nantaise, puisqu'on retrouve dedans des membres de Circle of Hell, qui sont les mêmes membres que Olympus, qui sont les mêmes membres que Trollheart, qui sont les mêmes membres que Echo of Desolation, qui sont les mêmes membres que Thanos, que FT-17, etc., etc. On retrouve également un Zikos de Ville Ardente, et ça je pense qu'on en parlera dans les semaines à venir, parce que c'est un petit projet nantais pareil, qui gagne en notoriété et qui gagne en intérêt qu'on peut lui porter, mais là on parle de Vos Aigus à l'heure actuelle, une sortie sur label Earth of Metal, voilà, un petit label nantais justement, un peu comme Lord Alinoir, et on s'écoute le titre Vent Funeste, Vos Aigus. Voilà, on est vraiment sur du Pagan Black Death français, et même typiquement breton, j'ai envie de dire. Et dernière doublette de l'aspect française avec bah, une dernière petite nouveauté. Mais tout d'abord, Asile Obscène, bah, formation qu'on vous a fait découvrir tout récemment. Ça nous vient de Tarbes, c'est du death metal, c'est grâce, c'est crado. Ça existe depuis très longtemps, mais voilà, tout début des années 2000, mais pas vraiment été actif pour de vrai. On est sur du death, donc old school d'inspiration Malevolent Creation, Krishun, etc. C'est pas original, mais c'est vachement bien fait, et puis ça tâche. Horribilis Sanctum, c'est le titre de ce premier effort studio longue durée de Asile Obscène. Et en doublette, on les retrouvera avec les Rennais de Hardmine. Voilà, le groupe qui sort un nouvel EP qui fait suite à l'album Corrupted Soul qui était sorti en 2019. Toujours pareil, très très engagé Hardmine. Là, on est vraiment sur l'aspect décadence. Ce nouvel EP s'intitule Endless Fall. Une sortie toujours chez Useless Pride, 7 titres. Des compos assez expéditives, hein, cependant. Et bah, ça fait toujours bien le taf Hardmine. Puis c'est surtout sur scène que ça prend. Je vais dire toute sa bêtise, toute son ampleur. Asile Obscène, Eat Your Guts et Hardmine, on s'écoutera le titre de l'EP Endless Fall. J'aime tuer avec toi.